Amomer Yas, Demi Biba, égal G, 2008. Je me souviens avoir été manipulé par un mytho qui parmi tant où les promesses dissimulées à l'heure qu'il est. À l'écouter, ce rose zénith a du talent à démontrer. Voilà, c'est ça qu'il osait dire, il m'a suivi pendant les fêtes de Ribéry. Et peu après cette belle étape, c'est la tempête de Sibérie. Mais comme on dit, on apprend par des frappes. Une douleur psychologique que j'ai soignée par des phrases. Je me souviens que je rêvais d'un producteur, alors je courais pour la musique jusqu'à péter mes inducteurs. J'étais celui qui en voulait comme un crevard, un galérien qui avançait avec un cœur increvable qui se termine dans la défaite ou le combat. Ma carrière s'arrête pas là, je vais faire le tour comme un compas. On me compare à des rappeurs qui sont connus, mais quand j'arrive sur le marché, je n'ai que l'air d'un inconnu. El microfono es un mi amor, mi corazón jusqu'à la mort. La memoria de mi biba. El microfono es un mi amor, mi corazón es jusqu'à la mort. La memoria de mi biba. Alors qu'il est, j'ai tout bâti avec un frère Wonder. Je le remercie de s'être battu comme un Highlander. On a trimé salement, m'a attendu sagement. Ici présent, c'est Galger qui vient poser ragement. Toujours une vérité à écouter sur basse. J'ai pas un gun mais un micro qui est planqué sous le bras. Ne séchez pas vos larmes, la peine n'est pas finie. Je veux la paix mais dans mon cœur la guerre n'est pas finie. J'ai trop de choses à dire, manière de dévoiler. Je suis le rappeur mélancolique, ce regard voilé. J'avance dans mon voilier, sous les intempéries. On est mené dans la galère, nous les enfants terribles. Terrifiés par la peur, mais calibrés l'hostie. Les vieux rappeurs sont invités à venir rejoindre l'hospice. Y'a trop de figurines qui connaissent pas la rue, mais donne effet d'être voyou à en salir la plume. El microfono es un mi amor, mi corazón jusqu'à la mort. La memoria de mi biba. El microfono es un mi amor, mi corazón es jusqu'à la mort. La memoria de mi biba. Black Cats, un collectif mis en place. Macadam, Kaopak, El Rital, Covitam, Bramsou, Zinkou, tous les gars du sol sous la clique aussi, les MC Mozom Crew, Sergio, ton Harry, mais aussi NAS. Tu veux plus de détails, je te dirai RAS. Je remercie tous les gens qui soutiennent, toutes les thèses, tous les blogs, surtout ceux qui souviennent que j'ai gravé leur nom de quartier dans la roche. Pour mes proches disparus, envoyés dans la rose, je vous aime et merci de veiller. J'ai grandi, j'ai mûri et je me suis réveillé. Le soleil m'a offert son rayon et le rap réaliste m'a confié son crayon, mon encre. La seule chose qui me trompe pas, donc l'amour de ma vie, pour l'instant j'y compte pas. El microfono es un mi amor, mi corazón jusqu'à la mort. La memoria de mi biba. El microfono es un mi amor, mi corazón es jusqu'à la mort. La memoria de mi biba.